tourments ceux de Lens. Un jour il n'y a plus de place. Rembobiner, faire marche arrière. Détester son univers. Condamné par des fous. Ces femmes rouées de coups. Mais je n'ai que toi, très cher. Mais je n'ai que toi, très cher. Mais je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Et moi, je n'ai que toi.